Cannes 2025. L'émotion au rendez-vous pour l'ouverture du festival. Le rideau s'est levé mardi soir sur la Croisette, avec la 78e édition du Festival de Cannes, dans une ambiance à la fois festive et grave. La cérémonie d'ouverture a rendu un hommage appuyé à Agnès Varda, grande figure du cinéma français, disparue en 2019. Des extraits de ses films ont été projetés sur les écrans du palais, salués par une longue salve d'applaudissements nourris de la part du public. La présidente du jury, l'actrice et réalisatrice espagnole Carla Simón, a ouvert le bal en appelant à défendre un cinéma libre, audacieux et engagé. Le film d'ouverture, Les silences de l'hiver, signé Claire Simón, a immédiatement marqué les esprits. Ce drame intimiste tourné dans les Alpes, porté par une performance bouleversante de Noémie Lvovsky, explore les liens entre mémoire, solitude et filiation. Dès les premières projections, la sélection officielle s'annonce exigeante, marquée par une forte présence de réalisatrices et une volonté assumée de traiter les grands enjeux contemporains.